Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui, dans Portrait d'assaut, découverte de l'association Résilience en compagnie de son président, Dylan Meyer. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Résilience, une association tournée autour du harcèlement scolaire. Une toute jeune association. Oui, exactement. Le 16 mars, on a effectivement créé officiellement l'association, même si c'était un projet qu'on a créé depuis le début de l'année et donc mis en œuvre effectivement en mars. J'ai dit que c'était sur le harcèlement scolaire. Pourquoi avoir créé cette association ? Cette association, elle vient de diverses expériences de membres justement de cette association qui ont vécu par le passé et qui vivent encore actuellement le harcèlement scolaire ou le harcèlement dans leurs études supérieures. En réalité, quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, je me suis vite rendu compte en fait que énormément de jeunes étaient touchés par ce fléau et qu'on pouvait vraiment créer une force tous ensemble, une association. Il y en a très peu malheureusement dans la région et c'était pour moi l'occasion vraiment de mettre l'accent sur ce problème qui touche notre jeunesse. C'est ce constat qu'il y a peu d'associations aujourd'hui, vous trouvez, qui abordent cette thématique ? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des associations qui existent, qui font entendre leur voix, mais malheureusement, on le sait, une grande association, notamment l'association Hugo, vient de fermer il y a quelques mois, faute de subventions. Et aujourd'hui, c'est très très dur de trouver justement des personnes engagées réellement sur cette cause dans le secteur de l'associatif et du bénévolat et qui plus est avoir les finances nécessaires pour monter des projets. Donc c'est peut-être pas un manque d'associations, mais vraiment leur voix qui est pas énormément entendue. Et donc, vous avez choisi de créer une association. C'est pas forcément facile de créer une association parce que vous êtes jeune aujourd'hui, hein. Vous avez, pouvez-vous nous dire votre âge ? J'ai 22 ans. 22 ans. Alors comment à 22 ans on se lance dans cette aventure ? Je dois dire que c'est plus l'expérience et l'envie d'agir qui mène l'action. J'ai pas vraiment réfléchi, à vrai dire, à toutes les étapes qu'il fallait faire. J'ai juste fait naturellement, avec l'envie vraiment d'agir, de fédérer. Alors oui, c'est compliqué de pouvoir créer une association, mais en réalité, quand on a les bonnes personnes autour de soi, ça se fait tout seul. Alors on a une équipe d'une vingtaine d'adhérents déjà, au bout de 3 mois c'est énorme. Et puis on a un bureau qui est solide avec une trésorière qui a vécu aussi le harcèlement scolaire. On a des projets plein la tête, on a envie d'une chose, c'est de pouvoir justement les mettre en œuvre. Comment vous définissez vous le harcèlement scolaire ? Alors le harcèlement scolaire c'est déjà des faits répétés dans le temps qui visent à nuire à la personne qui est concernée ou au groupe de personnes qui est concernée. Parce que aussi, certaines fois dans les classes, c'est des groupes d'élèves qui sont pris pour cible et c'est eux qui subissent le harcèlement scolaire. Ce qu'il faut comprendre vraiment dans le harcèlement scolaire, c'est que il y a une notion de répétition qui est très très importante et c'est ce qui différencie justement le harcèlement de la simple chamaillerie ou d'un simple petit désaccord entre élèves. C'est vraiment violent le harcèlement scolaire, ça touche vraiment à l'intimité de l'élève qui est concerné par des faits physiques, des bousculades, des prises à partie, des choses de ce type-là, des faits aussi qui touchent au moral et au mental de l'élève, tout ce qui peut être par rapport aux insultes, aux intimidations notamment. Et en fait, c'est vraiment une atmosphère qui règne à ce moment-là qui peut être extrêmement délétère. Et vous avez vous-même été victime de harcèlement, vous nous le disiez ? Oui, alors le harcèlement que j'ai subi, il a commencé en classe de CP, donc très jeune. Oui. On se dit pas que ça peut commencer aussitôt, mais si, malheureusement. Et c'est vrai que je l'ai subi un peu dans tout mon parcours scolaire jusqu'au lycée, où voilà, d'autres événements ont fait que j'ai vraiment perdu pied. Et il a fallu après me reconstruire assez rapidement parce qu'il y avait à ce moment-là les épreuves du bac notamment à passer. Oui. Donc, mais oui, effectivement, j'ai subi le harcèlement scolaire de près. Et aujourd'hui, vous voulez éviter à d'autres jeunes, et même moins jeunes aussi, hein, même des ados, des plus grands, de subir ça. Alors, de quelle manière vous voulez agir aujourd'hui ? Alors, en fait, l'association Résilience, on a 3 axes. Le premier, c'est la sensibilisation dans les écoles, à travers aussi des ateliers ouverts à tous, pas forcément dans les écoles. Donc ça, c'est une partie très importante parce que c'est vraiment le cœur de l'action. Et prévenir, c'est aussi d'une certaine manière guérir ou essayer de limiter déjà l'impact du harcèlement. Ensuite, le 2e axe, c'est la réponse dans la situation d'urgence. C'est-à-dire quand un élève est harcelé, quand c'est trop tard pour sensibiliser, qu'est-ce qu'on peut faire à l'instant T pour le soulager. Et la troisième axe, c'est l'accompagnement à plus long terme des jeunes, mais aussi de la famille, parce qu'on sait que ça touche tout l'environnement familial et toute la sphère familiale, et c'est à ce moment où la réponse doit être forte, où le soutien et l'union doit être total derrière justement l'enfant qui est victime de harcèlement scolaire. Donc ça, c'est les trois axes, et on a aussi très à cœur d'accompagner les enfants et les jeunes qui harcèlent d'une manière volontaire ou moins volontaire, parce qu'on estime que c'est extrêmement important justement aussi d'attaquer cet axe-là et de pas laisser ce flou en se disant ben de toute façon c'est eux les responsables et terminé. Non. Et l'association elle est toute récente, alors qu'est-ce que vous avez commencé à faire aujourd'hui ? Alors beaucoup de choses, on a commencé à faire des réunions publiques pour essayer d'expliquer le projet, de fédérer encore plus, d'avoir des adhérents et des bénévoles qui nous rejoignent. On est en train vraiment de mettre en place les premières actions aussi pour septembre, parce que la rentrée est toute proche. Et puis on a participé à un colloque à l'Assemblée nationale justement sur la thématique du harcèlement scolaire, où on a pu émettre nos propositions, où on a pu faire entendre notre voix et celle de tous les enfants qu'on porte derrière nous auprès des députés. Et c'est une première reconnaissance déjà d'avoir été invité à ce colloque ? Oui, parce que ça prouve que les toutes jeunes associations ont aussi leur place dans des réunions, dans des événements à ampleur nationale, et que finalement, qu'on soit petit ou grand, notre voix est la même et notre message est le même aussi, stop au harcèlement scolaire. Et donc, vous l'avez dit, des projets, la rentrée de septembre, déjà de premières actions. Quels sont vos besoins aujourd'hui ? Vous cherchez des bénévoles ? Exactement, on recherche des bénévoles justement pour appuyer les programmes qu'on est en train de mettre en place, comme par exemple CAP, qui est une cellule d'appui pour les écoles, qui va permettre à des bénévoles d'être directement au contact et devant les établissements scolaires à la sortie des cours notamment, pour permettre aux élèves qui en auraient besoin de pouvoir s'exprimer directement et de pouvoir un peu libérer ce qu'ils ont sur le cœur. On a aussi tous des programmes justement de communication, d'écoute avec une ligne téléphonique qui va être mise en place dès septembre pour permettre justement aux jeunes de pouvoir se confier dans toute la confidentialité qu'on peut leur apporter. Et également, voilà, l'accompagnement des familles qui va aussi commencer en septembre, parce qu'on sait très bien que la rentrée, malheureusement, est synonyme de premiers cas de harcèlement ou de poursuite des cas de harcèlement scolaire. Voilà, et agir au plus tôt, c'est éviter tout cela. Oui, plus tôt on agit, plus tôt on permet à l'enfant de se libérer justement de tout ce qu'il a dans sa petite tête. Et on est là aussi en fait pour lui dire que garder ça au fond de lui, ça ne servira pas à grand chose si ce n'est le rendre de plus en plus mal. Et que nous on est là justement pour qu'il puisse libérer sa parole très rapidement par différents moyens. Pour vous contacter aujourd'hui, comment fait-on ? On a plusieurs moyens. Déjà, premièrement, notre mail, donc resilience@collectiflamaintendue.fr. On a également nos réseaux sociaux, donc Facebook, donc Association Résilience, un monde sans harcèlement scolaire, et Instagram, Asso Résilience, où vous pouvez nous contacter tout à fait librement et nous reviendrons vers vous rapidement. D'accord. Un dernier mot, peut-être un conseil pour un enfant qui nous écoute ou quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui justement est victime de harcèlement scolaire, le premier conseil que vous pourriez lui donner ? Le premier conseil, je le répéterai toujours, c'est de parler, de libérer justement cette parole qui est, je le sais, si dure justement à exprimer, mais c'est aussi le premier acte qui va permettre justement d'en enchaîner un tas d'autres et permettre de renforcer déjà sa confiance en soi, premièrement, et de se dire qu'on n'est pas seul à vivre ça. Merci Dylan Meyer. Merci. Je rappelle que vous êtes président de l'association Résilience, une toute jeune association. On retrouve bien sûr les coordonnées sur le site de la radio Fadjet.net. Merci encore. Merci. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.